La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h, ça va bien autour de cette table? Ouais, boum boum boum. Ça fait un peu réchauffer quand même. Bah, c'était pas du tout mon humeur quand je l'ai fait, c'était vraiment parce que t'as mis un petit peu, je me suis dit allez je vais me forcer, mais non, c'était pas du tout venu du cœur. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Il fait froid à l'heure où on enregistre cette émission, c'est-à-dire tôt le matin. Il fait froid. Tôt le matin c'est presque midi, hein, mais ouais, pour les auditeurs. Près. Ouais, voilà. Et bon, c'est déjà suffisant comme raison. Oui, mais oui. Le marché de Noël est ouvert. Oh oui. Et ça, c'est formidable. Jocelyn, la voix de Jocelyn qu'on entend. Oui. Qui s'est réveillé il y a pas si longtemps. Il y a une heure pile. Il y a 1h00. 1h00. Quelle folie. Ça va, Jocelyn? Super bien. Bon. Super bien, je suis hyper content d'être là avec vous les gars, d'être avec vous aussi les auditeurs, ça me fait super plaisir de faire de la radio, de toute façon c'est pour ça tu qu'on vas avoir y retourne. Une belle actualité toi le week-end de la Saint-Nicolas. Oh, je vais avoir une actualité de zinzing. Ouais, raconte. Bah écoute, comment oublier. Bon, en fait, il faut savoir que le Saint-Nicolas à Nancy, c'est quand même une institution. Une institution, ouais, c'est quelque chose à faire. Si tu me demandes un mot, je l'ai. Et bah, ça tombe bien parce que ce samedi 6 décembre, enfin pas celui-là, mais celui d'après, du coup, j'organise une petite rencontre avec des producteurs locaux de distillats. Ce sont des distillateurs, c'est dans la distillerie Sainte-Barbe. Donc on va faire une carte. Sainte-Barbe dans les Vosges ? Sainte-Barbe dans les Vosges, ouais. Pour de vrai ? Ouais. Ah ben c'est un tout petit bled. Tout petit. Pas loin de Raon-l'Étape. Non, juste à côté. Oui. Et c'est des gens qui sont super sympas. Donc, c'est pas des bons copains, mais c'est des gens qu'on est très proches. Et on... C'est un bon coin à champignons d'ailleurs, la Sainte-Barbe. Oui. Tu m'as dit ? C'est dans ton bar que ça a lieu ? Ouais, ils viennent, nous on fait des cocktails avec leurs produits, ça va être une rencontre un peu entre distillateurs et clients, ça va être très cool. On a fait ça là le 20 novembre avec Roselier, donc à côté dans les Vosges aussi, ah bah, pas loin. Hein. Alors on est encore dans le 54, on est vraiment limite, mais Roselier, ouais, c'est dans le 54, réputé aussi pour ses mirabelliers. Et bah oui, parce qu'en fait la maison des Mirabelles à Roselier s'est mise à faire du whisky, donc famille Dupic Gralet, et là on a reçu... Qu'on consomme avec modération, bien évidemment, les Mirabelles. Ah oui, parce que le transit en dépend. Ah oui. Oui. Tant qu'on est dans les actualités, je parlais de mon actualité. Si, ouais, j'allais te poser la question. Bah voilà, si demain soir vous savez pas quoi faire à Voinemont, c'est à côté de Saint-Tré, vous prenez direction Épinal et puis là vous sortez quasiment une des premières sorties. C'est pas le fameux bled où il y a un moyen mnémotechnique pour le virage? Non, ça c'est Chavigny par rapport à Chaligny. Ah d'accord, mais réviste classique s'il te plaît. Quoi. Alors, mais c'est, par contre, c'est vrai qu'il y a des sacrés virages dans Voinemont. Ah voilà. On voit. Sacré virage. On voit. Je sentais qu'il y avait un truc avec le virage. Tu vois, quand tu viens de Béné. Ouais. Bon, et que tu descends à Voinemont. Oui. Ah bah là, c'est l'Alpe d'Huez. Ah oui. Ah, c'est l'Alpe d'Huez. Voilà, ah, c'est pas du hors-piste. Hein. Voilà. Eh ben, je joue un spectacle d'impro avec Barbara qui s'appelle Impro Duo. C'est une pièce de théâtre totalement improvisée. Donc, si ça vous dit, c'est à 20h30. C'est juste à côté de l'église, c'est à la salle des fêtes. Et c'est une entrée à 10€. Voilà. Et puis, j'en profite parce que on fait l'émission qu'une fois tous les 15 jours. Vendredi 5. Oh oui. Alors, ça, c'est un vendredi décembre, particulier. Hein. Voilà. Je joue mon spectacle absurde à la MJC de Lanneville. Donc, vous pouvez prendre votre place sur le site de la MJC. Et sinon, je partagerai sur la page. Tiens. Oui, voilà. Oui, oui. Vu qu'il n'y a que 17 abonnés, il y aura pour l'instant, mais tous les auditeurs de ce soir vont s'abonner sur la page Facebook. On vous attend. On attend le clic là. Voilà. Donc, si vous voulez venir voir mon seul en scène, que je joue sur le site de Nancy, ce qui n'est pas tout le temps le cas, et ben vous êtes les bienvenus le vendredi 5 décembre. Et toi, James ? Mais oui, James, t'as bien des news. J'ai rien à vous proposer, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas. Soyez heureux, messieurs, dames. Tu étais en train de nous faire l'horoscope tout à l'heure. Ouais, vous voulez que je vous le refasse ? Non ? Non, c'est bon. Ouais, on va attaquer directement avec l'éphéméride, peut-être. Non ? Ouais. D'accord, direct avec l'éphém. Moi, ça me va. Je te mets un petit jingle. S'il te plaît. La matinale de 18h. L'émission en retard sur son temps. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Waouh. T'as vu ça? C'est beau, hein. À chaque fois le corps de chasse, moi ça m'émeut. Ouais, bah tu devrais faire de la chasse à cours alors. Bah j'y pense. La chasse à l'émeut. Oh. Très pratiqué en Afrique. peut-être. Oui, ou alors peut-être les mecs qui se disent, est-ce que j'ai pas dit une connerie, est-ce que l'émeu ça vient pas d'Australie? Oui, l'émeu. Ah oui, c'est en Australie l'émeu. Je sais pas. Bah il y en a en France aussi des émeus. Hein. C'est l'autruche en Australie et l'émeu en Afrique, non? Alors moi j'en ai vu au Kenya, mais je sais pas si c'était des émeus ou des autruches. Ah tu sais quand même faire la différence entre un émeu et une autruche quand même. Oh, c'est ça devient insultant là. Quand on a deux l'un à côté de l'autre, oui. Mais quand on a qu'un. D'un continent à l'autre. Ben je. Mais c'est incroyablement raciste ce que tu c'est dis. C'est une dinguerie, ce qu'il fait. Non mais en vrai c'est une folie, Les autruches se ressemblent toutes. Hein, ah oui. Excuse-moi. Non. Il y a rien qui ressemble plus à une autruche qu'une autre autruche. Ils ont tous le même bec. Ouais. Voilà. Il n'a pas confondu une autruche et un émeu. Non, attends. Ouais. À cette table, on se le dit. Bon, qu'est-ce qui s'est-tu passé un 27 novembre? Il s'est passé des dingueries sur dingueries. Tu te rends compte, dans un mois c'est Noël. Non. Non, dans un mois, moins deux jours. Oui, on aura déjà passé Noël. Oh, mais oui, bah, on est déjà en digestion. En 511, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le sait normalement, tout le monde l'a appris. Bien sûr. 511, c'est la mort. À Paris de Clovis. Il est un numéro après Clovis, peut-être. Roi des Francs, 511. Clovis premier. Clovis premier, bien sûr. Bien, bien, bien. Bravo. On va pouvoir faire des gifs avec tes sons. En 1095. Des gifs avec tes sons. Ouais, mais il non, mais c'est le truc de Daron qui essaie de faire un peu jeune. Quoi, tu vois. Moi, tes sons, je les trouve trop swag. Ouais. Ouais. Ils sont hyper galeries, tes onces. Ta gueule. En 1095, il y a un gars qui a un prénom de un peu de ville ou rural, je sais pas trop. C'est Brennan le numéro 2. Il s'appelle Urbain. Il lance l'appel à la croisade depuis le concile depuis de Clermont. Depuis le concile de Clermont. Donc voilà, l'appel à la croisade de Urbain II en 95, on s'en rappelle. Bien sûr. Donc aucun problème. Il est en train de crever là. Mais il s'est passé une folie. En vrai, là, les gars, il s'est passé. Bon, James, s'il te plaît, tu peux mourir en silence, j'en peux plus. Il sort du studio. Non, je vais faire comme lui. Mais c'est participatif, les gars. Là, il y en a un qui est parti. Voilà. Mais laisse deux. La porte ouverte, James. Mais tu oui. Tu peux participer. Hein. En 1826, je sais que James, tu l'as. Une invention par John Walker. John Walker invente en 1826 quelque chose qui a... Non, pas le whisky. 1826, je me trompe. Ah oui, ça change tout. Il s'est passé une folie. Parce que avant, on faisait... C'était beaucoup plus chiant de faire cette Est-ce invention. Est-ce que c'est la machine à laver? Non. Un lave-vaisselle. C'est tout petit, ça tient dans les poches et... Briquet. Mais on n'est pas loin. L'allumette. Oui, parce que ça a été inventé après le briquet, l'allumette. Et ouais, mais en fait, il a inventé les allumettes à friction. Attends, qu'est-ce qui était un... L'allumette a été inventée après le briquet. Okay, c'est comme l'ouvre-boîte et la boîte de conserve, je crois. Ouais, peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Ah, tu marques un point là-dessus. Oui, invention des allumettes à friction par John Walker, 1826, si vous mais y étiez. Oui, mais alors, attends, par rapport au 27 novembre, c'est quoi le lien? Eh ben c'est le 27 novembre 1826 que John Walker a inventé l'allumette à friction. Mais essaye de l'a suivre. Dit, c'est à telle date exactement. Mais quand tu poses un brevet, c'est pas tu poses pas ah sur ouais, un an. C'est tu la poses, date du brevet, voilà. D'accord. Bah, oui, je peux me renseigner si c'est la date du brevet, mais moi, en tout cas c'est la date que j'ai. Ouais. Eh ben je me renseigne à zap et je vous tiens informé dans l'émission, soyez-en certains. En 1942, la flotte française à Toulon a été sabordée pour éviter... qu'elle ne soit capturée par les... Par de Gaulle. Nazis. Par les nazis. Ah bon? Ah, je pensais que c'était les Vichy qui avaient désingué pour éviter que ce soit de Gaulle qui les utilise. Et non, c'est sabordage de la flotte française à Toulon pour éviter qu'elle ne soit capturée par les nazis. Ah bah tu vois. Quelques personnes sont nées en 27 novembre, des personnes connues. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, j'imagine. Parce que je ne l'ai pas connue, je t'avoue qu'il y en a qu'une heure. J'avoue qu'il y en a deux qui sont... extrêmement connu. Et je vais essayer de vous les faire deviner parce que c'est aussi un ça, l'éphémérite, c'est du jeu, de l'interaction. Il y en a un qui était connu pour avoir un bandana. Bruce Lee. Non, il se piquait le front. Alors ça, c'est la légende. Hein. Il se piquait le front avec des aiguilles et se mettait des feuilles de coca entre le bandana et sa peau pendant qu'il jouait. Il jouait, tu vois, je vous fais des mimes, c'est une sorte de guitare ou de sitar, je ne sais pas. Il est musicien, guitariste et chanteur. Il est connu pour être rock and roll. Il est européen ? Il a un prénom et un nom de famille un peu américain quand même. D'accord, mais il est européen ? Dick Rivers ? C'est pas Dick Rivers. Mais en fait, européen, ça veut tout rien dire. Le mec il sait pas. Moi je veux pas rentrer coup, dans ce truc. C'est un type qui a fait une carrière solo ou dans un groupe? Non, il est pas européen. Il a C'est solo, pas Bob Dylan. Groupe. Non, c'est pas Bobby Bobby. Est-ce que ce serait pas l'ami Kurt Cobain? Le prénom est là, le nom Jimi n'est pas bon. Hendrix. Jimi Hendrix, exactement. Est né le 27 novembre. Un 27 novembre. Mais également, c'est aussi surprenant, mais j'ai pas sa date de naissance. T'imagines, tu te piques et après tu mets des feuilles de coca. Mais ouais, en fait, c'est la légende. J'ai pas du tout compris cette affaire, mais bon. Bah, okay. Pour que ça infuse dans toi. Ah d'accord, ok. En fait, ok, voilà. Ok. C'est, parce que, et vu que c'est une bête. C'est sûr que s'il a chiqué, bon bah on comprendrait moins ses chansons. Mmh. Ouais. Parce qu'il boufferait les mots, quoi. Mais, ça donne d'accord. Des idées, j'ai l'impression. Ok, ouais. Acteur et artiste martial. Ouais, okay. Non, pas marseillais. C'est Bruce Lee. C'est Bruce Lee qui est né un 27 ans, mais t'es trop bon. En fait, je l'ai lu sur le journal le bon devant pain. Moi, là. Ah bah voilà. Eh oui, mais le mec se spoil les ténérides. Ah, mais okay. J'ai aussi Urbain 2 en fait. Mais oui, tu me l'as dit tout à l'heure. Oui. Tu me dis, oui. Ah oui, je sais ce qui va se passer en fait. Ah mais ouais. Oui. Des personnes sont mortes hein, le 27 novembre 1250. J'avais Jimi Hendrix aussi en fait, je l'ai raté. Ah oui, t'avais tout en fait. Ouais. J'avais toutes les réponses à mes questions. Regarde pas la suite, c'est pas fini. Blanche de Castille est morte, mère du roi Saint-Louis, bon, on le savait. Okay. Abraham le de Moivre, mathématicien mort le 27 novembre également. Ah, Moivre, je connais parce que j'ai fait des mathématiques de haut niveau et je peux vous dire qu'on en parle. Moivre Town. D'accord. Le théorème de Moivre. Mmh. Ok, et bah en tout cas, c'est la fête. C'est la fête de deux personnes. C'est la fête de Saint-Séverin de Paris, mais également on fête les Virgiles, les Goustans. Entre autres. Je peux rajouter, moi j'en ai d'autres hein, via le journal. Bah vas-y, écoute. C'est étonnant que tu l'aies pas. 1895, création des prix Nobel. Ah oui, ouais. Mais parce qu'en fait il y a eu plusieurs dates sur ça. Bah, c'est, on préfère d'accord, Saint-Urbain que les prix Nobel. C'est controversé, fait, c'est d'accord. Plus intéressant. Non, c'est clair. Et alors j'en ai un autre. Hein. C'est l'américain George C. Baedler qui invente une machine de dingue. C'est une machine qu'on utilise de fou. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas sur je suis chaud à apprendre. Hein. C'est une machine qui est beaucoup utilisée et elle a été inventée en 1903 par George Baedler. On l'utilise dans la cuisine? Non. Dans les maths? Dans la maison? Non, pas trop dans la maison. Au boulot alors? C'est un truc de boulot, ouais. Un ordinateur? Non. Un fax? Non. Une imprimante? Non, pas loin. C'est Gutenberg. C'est dans des bureaux? Ouais. Un aspirateur. Il y en a une probablement ici dans les locaux de Fadjet. Une VMC. Non. Non. Une clim. C'est vraiment spécifiquement, c'est quand même un truc de boulot. Moi, tu me dis boulot. Une graffeuse. Tu me dis boulot, je pense à cet instrument. Boulot. Une imprimante. Pas loin. Je l'ai déjà dit. On n'est pas loin d'une imprimante, les gars. On n'est pas loin. À scanner. Ah bah la machine à café alors. Mais non. Si c'est pas loin. Mais comment ça se fait que vous ne le trouvez pas? Ah bah moi je mets toujours la café à côté de l'imprimante. Ah bah, les gens sont derrière leur poste en train de dire mais c'est incroyable qu'ils ne pensent pas à ça. Non, mais les gens ne sont pas derrière leur poste. Il y a même des gens qui sont à leur boulot sur cet engin. Ah, une chaise roulante. Tu l'as déjà dit imprimante, un autre nom. Oui non mais oui. Une photocopieuse. Une photocopieuse. Ah oui. Ah oui. Ah voilà. Mais elle marchait comment en 1903? Bah une mamie qui pédalait. Je peux pas te dire, il y a écrit littéralement deux lignes dans les républicains. Je peux pas en d'accord. dire plus. D'accord. Voilà. Ok. Voilà, bon. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Merci de citer nos sources. Bon et je vais. Vas-y, termine avec le. Je vais quand même faire dicton. Un petit dicton, bah ouais. S'il vous plaît. On remercie du coup. Enfin, on souhaite une bonne fête à tous les Goustans. Je dis ça parce que dans le dicton, il y a le mot Goustan. On veut me dire, eh, c'est quoi Goustan? Non, c'est le mot, c'est le prénom. C'est un prénom, les gars, s'il vous plaît. À la Saint-Goustan, notre ami ramené. Nos maris. Saint-Goustan, notre amant, ramenez nos parents. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. C'est ça chanson, aussi, Fadjet. C'est une chanson, quasi. Ouais, c'est une comptine. À la Saint-Goustan, notre ami, ramenez nos maris. À la Saint-Goustan, ouais. Notre amant, ramenez nos parents. Ah ouais. Bah oui, okay, oui, oui. Waouh. Bah voilà. La matinale à 18h. L'émission en retard sur son temps. C'est l'invité showbiz de 18h sur Fadjet. Je vais innover les enfants non. avec une nouvelle chronique parce que vous savez que je suis un gros consommateur de TikTok. Ah ouais, ouais. Et malgré mon âge. Ouais, on commence à savoir. Ouais. Et là, je suis tombé sur la page d'un monsieur, je pense que c'est un monsieur, et Sacha FCB, qui utilise de l'IA pour revisiter des chansons très connues. Mais à une période complètement différente. Mmh. Vous avez déjà entendu ça. J'ai déjà entendu, ouais. Ouais. Et il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Et je vous propose... Allez, on va le faire en mode... je vous dis pas... Je vous dis la période. Donc là, c'est dans les années 70. D'accord. Une chanson qui est contemporaine. et qui a été revisité en ambiance années 70. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, à vous de trouver c'est quoi cette chanson. Mais c'est quoi ce son-là ? Non, mais c'est pas le son-là, c'est celui-là. Voilà. Bientôt les paroles. Dites-moi d'où il vient. C'est Stromae et Papa Outé. Oh la vache, wow, c'est fort. Ouais. C'est fort, hein. Bah, c'est juste avec les paroles, en fait. Oui. Ouais. Oui, oui. Bah, il y a un petit air, quand même. Si t'écoutes bien. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Non ? Ouais. On va juste attendre le refrain, quand même. C'est Stromae, Papa Outé. Bien joué. Merci. Une autre. Ah oui. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, okay, c'est que il y a même une. Alors, il a mis une vidéo comme d'un reportage d'M6 où une de ses reprises fait le buzz. Ah en ouais. En fait, ouais. Alors, je sais pas si j'arriverai à trouver celle-là. C'est mais peut-être celle que j'ai écoutée. Elle est pas forcément ultra connue, mais alors celle-là, pareil, années 70. C'est son credo, quoi. Pareil, une chanson que même moi je connais, d'une chanson qui date, qui est très, très contemporaine. 99 Love Balloon. Allez, c'est parti. Papi Chulo. Oh là, vous l'avez pas. Ah, c'est Aya Nakamura. Oui. Ok, d'accord. Tu l'as pas? Jocelyn. Non, je sais pas. Au moins là, on comprend tout. C'est vrai, oui. C'est ça, peut-être, en fait, le truc qui choque en premier lieu. Ouais, c'est pour ça que je comprends pas. Enfin, je connais pas. Tu l'as toujours pas ? Si, là, un petit peu, mais j'aurais pas trouvé. Ouais, là, oui, là, ouais. C'est pas mal en vrai, hein. Je trouve ça beaucoup mieux, moi. Ah ouais. En fait, c'est chantant. Tu peux c'est le chanter, ça. Quoi. Alors que c'est plus du rap ce que fait Aya Nakamura sur Jaja. Bon, c'est pas moi qui vais te répondre sur cette question-là. Mais Plus difficile à chanter que. C'est vrai, quelque chose de plus vocal. Ouais, ouais. Alors là, plus dur. Une vieille chanson, pareil, que tout le monde connaît, mais revisitée en 1925. Ah. Tu vois, là, c'est. Donc là, c'est une vieille chanson en déguisée en vieille. C'est une vieille chanson. Voilà. Attends, c'est la chanson qui est de 1920. Ça, c'est récent. C'est une vieille chanson. Oui, mais remixée de nos jours. Remixée en 2025. Ah, t'as dit 1925. Ah, pardon. Désolé. Non, oui, en 2025. Je ne regrette rien. Oui. De qui? De Nougaro. Non, je suis sûr. Non, c'est toi. Je ne regrette c'est rien. C'est une femme qui chante. C'est Olivia Ruiz. Non, mais c'est une vieille chanson. Cameron Diaz. Le mec s'enfonce dans les années 60-50. Non, je sais qui c'est. C'est En fait, tu sais pas. Edith Piaf. Oui. Je savais. Je savais. Attendez les gars, vous me prenez pour qui? Ouais. Je sais pas. Une petite dernière. Allez. Last but not the least. J'ai bien aimé. Alors attends, je cherche parce que j'aimerais bien. En fait, Aya Nakamura, on l'a dans les années 50 et franchement, il faudrait que je vous la retrouve. Je vais peut-être pas vous la retrouver tout de suite, mais elle envoie vraiment du lourd quoi là-dessus. Alors une petite dernière, j'ai dit tiens, allez celle-là, c'est une chanson qui date d'il y a 10 ans, je dirais à peu près, et qui est revisitée en année 1950. Ok. Ok. Ok. Voilà. Même que moi je connais. D'accord. Ok. Les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent mieux. Je connais ça. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. C'est Aurel San. Oui. Et quel titre? Basique. Oui. Simple, basique. C'est ça. Bien joué. Personne que tu connais pas bien. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Ça rythme pas mal, hein. Ouais, mal en vrai, un coup. Et il y en a plein. Donc vous pouvez aller sur sur TikTok et c'est Sacha FCB et vous en avez énormément, je pourrais vous en remettre. Je vais tâcher de tout à l'heure pendant la chronique de James de vous retrouver la chanson de Aya Nakamura dans les années 50 parce que franchement ça... Et pour avoir un peu travaillé avec ce genre de logiciel d'IA qui fait de la musique, c'est pas si facile que ça à faire. On a l'impression que non, il suffit de dire tu oui, fais cette je chanson, demande et voilà. Ah oui, oui déjà moi j'ai essayé et en fait il te laisse pas utiliser des matériaux existants, donc il faut déjà avoir son propre truc de son côté, je crois, son propre modèle d'IA de son côté. En tout cas, ah, tu pourrais utiliser Suno. Oui, mais Suno, il te laisse pas utiliser un son déjà existant. Il te dit non. Ah ouais, ouais, ouais. Tu crées ton propre truc, soit. Merci James d'avoir parlé. Mais c'est pas si facile, quoi. Voilà. C'est plus facile que de chanter. Aya Nakamura dans les années 50. Ah, j'aime bien déjà un peu le. J'adore. J'entends des baillatres sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Ah, c'est top, hein. Ça rend très bien. Mais t'es taré, oh, mais comment ça, le monde est type. Tu comprends tout. Ouais, je suis content, je comprends les paroles. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas. C'est dommage parce que elle a. Non, c'est quand même très bien. Ça fait un peu cabaret, ça fait un peu. C'est cool, hein. Ah bah là, on est à Puerto Rico là. C'est la musique portoricaine. Voilà, on va retrouver sur cette page TikTok qui s'appelle Sacha FBC. Parce qu'il y en a tellement d'autres. On va parler de ta chronique, James. Absolument. C'est une chronique sur quoi déjà? Oh là, je... Non, vas-y, c'est juste que j'ai mis le cartoucheur trop vite. C'est une chronique sur la réalité. Eh ben allez, je te fais un jingle. Allez, go. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'invité show business de 18h. On n'a que des invités showbiz à c'est 18h. Vrai, c'est vrai. Et une éphéméride. C'est James sur la réalité. En fait, c'est une chronique sur différentes théories qui ont rapport autour de notre conception de la réalité, la simulation réalité. Vous voyez un peu, vous allez comprendre. T'as tout perdu de suite. Jocelyne. Des univers parallèles. Mais voilà, c'est. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai sélectionné quelques théories qui existent sur ces champs-là. Il existe. Ça peut donner le vertige. Donc, si vous êtes un petit peu derrière vos écrans, qui ne sont pas des écrans, qui sont des radios. Voilà. Si vous êtes un petit peu tangent sur ces sujets, n'hésitez pas à zapper, évidemment. Qui est tangent sur les sujets, la team? On va parler aussi beaucoup d'extraterrestres. Et d'ailleurs, la première théorie que je vous expose, c'est pas vraiment une théorie, c'est un paradoxe assez connu. Vous connaissez le paradoxe de Fermi? Pas non. Du tout, je ne sais même pas comment s'écrit Fermi. F-E-R-M-I. Enrico. Qui est Fermi? Enrico Fermi. Mais voilà, dit comme ça, là j'ai compris. Il est italien. Né en 1950, mais c'est en 1950 qu'il a formulé ce paradoxe qui est un raisonnement autour des extraterrestres. Je vous l'explique. Notre galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Oui. Ouais. Beaucoup plus anciennes que le Soleil. Oui. Okay. Même avec des moyens de déplacement lents, une civilisation aurait eu le temps de coloniser toute la galaxie en quelques millions d'années. Mm-hmm. Une fraction de l'âge cosmique, puisque quelques millions d'années, c'est rien à côté d'un milliard d'années. Bien vous sûr. Comprenez? Bien sûr. Donc, je comprends. Ce que nous dit Fermi, c'est que statistiquement, des civilisations extraterrestres devraient exister et elles devraient être partout visibles. Or, on n'en observe aucune. Mm. C'est vrai. Et donc, on voit rien. Donc, sa question, c'est où sont-ils? Les extraterrestres. Bah ouais. Et donc c'est ce paradoxe-là qui s'appelle le paradoxe de Fermi qui dit théoriquement il devrait y en avoir mais on n'en voit pas. Donc ça c'est la base un petit peu qui va nous servir dans d'autres théories après, le paradoxe de Fermi. Après il y a des tas de gens qui expliquent ça et ça va découler de là. Autre théorie qui n'a rien à voir pour le coup, c'est la théorie du multivers. Vous en avez entendu parler du multivers? Pas du tout. Ben en fait, le multivers, c'est l'idée que notre univers n'en est qu'un parmi une infinité d'autres. C'est-à-dire qu'il existe des infinités d'autres univers dans lesquels Tristan, Jocelyn et James font de la radio, mais parfois peut-être il y a Caro qui est là en plus dans certains univers. Ah, c'est Matrix. Plus ah, vraiment, non. En fait, c'est comme si tu avais une photo. À chaque fois que tu as un choix à prendre, il y a un univers qui se crée avec ton autre choix que tu as pris. Ah, tu oui, vois d'accord. Si ce matin, tu n'avais pas pris ce pull rouge, mais ce pull bleu, bah bam, il y a un autre. Donc c'est le jour le plus long. C'est pas le jour sans fin. Le jour sans fin. C'est encore différent. C'est si encore tu différent. Veux. Ah, mais je vais y arriver. Je vais te l'énoncer. Mais non, c'est moi. Vas-y. Ah, je suis chaud là. Ouais, docteur. Lui moins. Ouais. En fait, on pourrait imaginer qu'à chaque fois qu'il y a un choix différent à faire, de n'importe quoi, que ce soit d'un homme ou d'un événement physique, un autre univers est créé avec chaque branche. Il y a la branche où tu as fait le choix A, la branche où tu as fait le choix B, et chacun de ces univers contient d'autres branches, etc. Ça fait des infinités de possibilités, des infinités... Avec les interactions des autres, en plus. Voilà, d'infinités d'univers qui existent en simultané. Bon, voilà, ça c'est assez complexe. Maintenant, revenons au paradoxe de Fermi sur les extraterrestres. Ouais. Il y a une théorie. Donc, la question, je rappelle, de Fermi, c'est. Est-ce qu'il y a des extraterrestres ? Où sont les extraterrestres ? Pourquoi on les voit pas ? Voilà. C'est pas une et il y a une théorie énoncée par Robin Hanson, qui est économiste, et on ne sait pas pourquoi il parle de ça, mais enfin, bon, bref. En 96, il parle de la théorie du grand filtre. Vous connaissez un petit peu, non ? Non, c'est du café. Il répond à la question. Où sont les extraterrestres ? Eh bien, lui, son hypothèse, c'est qu'il existe une étape quasi infranchissable dans l'évolution d'une civilisation, ou un filtre, qui élimine presque toutes les tentatives. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, dans l'histoire d'une civilisation, il y a un moment donné où ça ne passe pas. Ouais, ça, on n'y arrive pas. On ne passe pas cette étape-là. Okay. Et la question cruciale, elle est de savoir, est-ce que ce filtre, il est derrière nous ? C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on a réussi à le passer ? Où est-ce qu'il est devant ? Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on va taper dedans et la civilisation humaine va s'effondrer. Pour moi, c'est avant. Enfin, le filtre, il est plus tard. Il est dans... On ne peut pas trop savoir. Voilà, on ne sait pas trop. Et il dit justement, ça serait pour ça que voir des traces de vie sur Mars serait une mauvaise nouvelle, puisque ça suggérerait que la vie sur Mars a rencontré le filtre avant nous. Voilà, donc que le pire... Que le filtre a lieu après, donc les étapes précoces. Le pire reste à venir. Voilà, c'est ça qu'il dit. Ah, te dire. D'accord. La Terre. Désolé, c'est pas. Voilà, mais c'est très très très très intéressant pour les gens qui. Ouais, voilà, eux qui aussi, aiment... ils doivent mettre des feuilles de coca sur leur front derrière le bandana, je pense. Attends, parce que là, on n'est pas rentré au plus profond de l'iceberg. Allez, man. La théorie de la forêt sombre. C'est Jimi Hendrix qui dit. La théorie de la forêt sombre. La théorie de la forêt sombre. Nous sommes dans la forêt noire. Elle répond au paradoxe de Fermi, donc sur les extraterrestres. Et elle dit que l'univers serait comme une forêt plongée dans l'obscurité, peuplée de chasseurs silencieux. Je vais expliquer. L'univers serait comme une forêt plongée dans l'obscurité, peuplée de chasseurs silencieux. Moi, j'ai une petite question. C'est si t'as un client qui dit ça et qui a ton bar, Jocelyn, tu le fous dehors ou pas ? Non, j'acquiesce de manière un peu plus. L'univers serait comme une forêt plongée dans une obscurité peuplée de chasseurs silencieux. L'idée, c'est qu'en gros. Ah oui, pourquoi ? C'est qu'en gros, chaque civilisation sait que si elle émet un signal qui est à l'extérieur. Chose que nous, on a fait. Elle va se faire repérer par des gens et se faire détruire. Et que du coup, sachant ça, tout le monde se terre dans son coin et n'envoie pas de signal parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a trop de risques de se faire éliminer. Et nous, effectivement, on a déjà émis des signaux. Et est-ce que vous savez quel est le premier signal que l'humanité a émis en dehors de la planète ? C'est il y a longtemps, il me semble, non ? C'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a un peu plus d'un siècle. Ah oui, quand même. Il y a un peu moins d'un siècle, c'était pardon. C'était Aya Nakamura, dans les années 50. Je vais vous l'aider, c'était en 1936. Ah ouais ? Ok. Et c'était l'appel du 18 juin. C'est un discours d'Hitler qui a été envoyé. Qui est la première chose qui a été émise par la Terre en dehors de, ses, de son nom de. Ah, bah, je savais pas ça. Voilà. Non plus. Donc du coup, ça veut dire que nous, on a fait l'erreur quelque part. Hein, on n'a pas respecté la théorie. Et depuis Trump. De quoi ? Depuis, on a Trump. Non, mais attends, peut-être que nous, on trouve ça. Pas bien du tout un programme de d'Adolf Hitler, mais peut-être que là-bas. Ouais, ils vont dire que c'est un message d'amour. Oui. Et si les extraterrestres étaient des nazis, à le déchiffrer. Hein. C'est de l'allemand, hein. Alors, venons-en à l'hypothèse de la simulation. Celle-ci, vous avez forcément dû en entendre parler. C'est la théorie selon laquelle nous serions une simulation. Nous serions dans une simulation. C'est le philosophe suédois Nick Bostrom qui l'a énoncé. Comme dans le film de... comment il s'appelle ? Matrix. Carré. Ah, un peu. Mais dans Matrix, Truman Show. Matrix, Truman c'est Show. Un peu le cas aussi. Oui. Il dit... il y a une des trois propositions suivantes qui est vraie. Il fait trois propositions et il dit il y en a forcément une des trois qui est vraie. Okay. 1. Les civilisations s'éteignent avant d'atteindre le niveau technologique permettant de créer des simulations conscientes. C'est-à-dire qu'elles s'éteignent avant d'avoir la technologie pour créer des simulations, des vraies simulations. 2. Elles n'ont pas envie. Les civilisations avancées choisissent de ne pas créer des simulations comme ça. Et 3. Nous sommes dans une simulation. Mais j'ai passé mon temps. Enfin, j'ai passé mon temps. Je sais que quand j'étais gamin, des fois, je tournais la tête très vite pour voir si c'était pas fake derrière moi. Ah, tu vois. Ouais. Parce que je me suis dit que je suis allé chez un ostéo parce que au bout d'un moment, quand tu tournes la tête très vite, il y a plus de fake. Mal quoi au cervical. Je me permets d'embrayer là-dessus puisque c'est tu cherchais des preuves que nous sommes ou non dans une simulation. Oui. En fait, oui. Eh bien, il y a un effet qui est très connu pour ça. Ça s'appelle l'effet Mandela. Je sais pas si vous connaissez. Ah, c'est avec Non, ça c'est l'effet je vais le retrouver, mais c'est l'effet Doppler, ça. Ouais, ça ressemble, hein. Mais c'est vrai. Non, l'effet Mandela, c'est un phénomène où un grand nombre de personnes partagent un même faux souvenir. Ça vient du fait que beaucoup de gens étaient convaincus que Nelson Mandela était mort dans une prison dans les années 80, alors qu'il est décédé libre en 2013. Et que, en gros, c'est cette impression qu'on a tous le même souvenir qui donne l'impression que qu'il y a eu un bug quelque part dans la matrice et qu'on a changé un peu de réalité ou quoi que ce soit. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Chirac qui dit que j'aime les pommes. Il ne l'a jamais dit. Si, parce que je crois que c'était son truc de... Non, c'est une pub. Non, c'est les guignols. Mais manger des pommes, c'était quand même son slogan, non ? Non, c'est les guignols. Ah d'accord, ok. C'est juste que sur son livre, il y avait un pommier. Ah d'accord, ok. Et les guignols, manger des pommes. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bah, j'avais d'autres exemples, mais sans lui, on est un bon, du coup, duquel j'étais victime. Il y a aussi Luc, je suis ton père. Ah oui. C'est juste non, je suis ton père que dit le... comment est-ce que vous voyez l'homme du Monopoly ? Ah oui, on se confond avec... Il a soit monocle, soit pas de monocle. Voilà, c'est ça. En fait, il a pas de monocle du tout, mais tout le monde lui en donne un. Et ils disent les Looney Tunes. Ouais. En fait, c'est Tunes. Ouais, ça, c'est super intéressant. Voilà, donc ça, c'est un effet qui pourrait montrer qu'on est éventuellement dans une simulation. Très bien. Ça fait peur. Un peu de temps encore pour un que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Ça s'appelle... alors, ça, celui-ci, il faut le prendre avec des pincettes. Attention quand même. Oula. Ça s'appelle l'immortalité quantique. Ok. C'est en gros la théorie. Vous vous rappelez, je parlais des multivers tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on a, à chaque décision qu'on prend dans sa vie, il y a un autre univers qui est créé. On peut imaginer qu'on a une seule conscience et que cette conscience choisit d'aller dans un seul des univers qui a été créé. Et donc, la théorie qui est énoncée, c'est que on est immortel parce que, quoi qu'il arrive, notre conscience choisit d'aller dans les univers où on survit. Mettons que vous, je répète, attention à ne pas faire ça chez soi, non. Mais mettons que vous sautez d'un pont, ouais. Votre conscience, il y a plein d'issues possibles, vous sautez, vous mourrez, ou vous sautez et par miracle, il y a un oiseau qui passe, il vous ramène en haut, ou alors... il vous donne 10 balles. Ouais, ou voilà, ou vous rebondissez en bas. C'est un gros oiseau. Parce que voilà, exactement, ou quelqu'un a eu le temps de mettre un trampoline en bas et vous rebondissez, etc. Ouais. Et bien, votre conscience va choisir d'aller dans les univers où vous survivez, Survivez, merci. Donc quelqu'un qui veut se suicider ne meurt jamais. En fait, il ne meurt jamais dans sa conscience, quoi. Il est emprisonné finalement. Waouh. Ah bah écoute, voilà, ça c'est une autre théorie et ça me permet d'enchaîner sur la dernière théorie que je voulais vous exposer, qui est assez flippante aussi, une théorie qui mélange conspirationnisme et spiritualité. L'idée, ce serait que la Terre serait une ferme à âmes gérée par des entités malveillantes, souvent appelées des archontes, et qu'en gros, les humains seraient piégés dans un cycle de réincarnation forcée et que les émotions négatives type peur, colère, souffrance serviraient de nourriture à ces entités, les archontes. Mmh. Et que le piège ultime, c'est qu'en gros, lorsque vous mourrez, c'est un espèce, la fameuse lumière au bout du tunnel, c'est un piège, un leurre pour capturer les âmes et les forcer à se réincarner dans la planète qui est une prison en fait, dont on ne peut pas s'échapper. Voilà, c'est un petit peu glauque, mais voilà. Mais c'est la réalité, quoi. C'est une théorie, en tout cas. Ah, il y a peut-être un petit dernier pour terminer sur une note un peu plus positive, Tristan, vas-y, si je peux me permettre. Vas-y, me permets. Ça s'appelle le rêve de Zhuangzi. C'est une théorie chinoise qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Je l'énonce telle que elle est mise dans le texte original. Jadis, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort, ignorant qu'il était Zhuangzi. Brusquement, il s'éveilla et s'aperçut avec étonnement qu'il était Zhuangzi. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi rêvant qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il était Zhuangzi. Voilà. Ah ouais. Intéressant, non? Ah ouais, faut pas le lire ça pour ça. Est-ce que quand tu rêves, c'est la réalité ou est-ce que c'est ton rêve qui est... Bah, vu la souffrance qu'on a quand on se réveille, ah, je te jure que c'est la réalité. À cause de ton genou? Non, le réveil en règle générale. C'est quand même, oui, d'accord. Tu te dis pas que t'es dans un rêve, quoi. Oui. Tu dis pas, waouh, la vie, un rêve. Enfin, personnellement, je me dis pas ça. Je suis pas malheureux dans la vie, mais juste, c'est un fait, quoi. Il fait froid, les gens sont plus ou moins sympathiques. Et parce que nous sommes dans une émission culturelle, merci pour ces diverses versions de la réalité. C'était un petit peu, c'était très lourd et j'ai essayé de condenser, donc n'hésitez pas à rechercher. À boire un verre. aux deux. Mais je sais qu'il y a des gens que ça intéresse beaucoup, dont moi, je suis désolé. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de réfléchir à ces trucs qui donnent un peu le vertige, donc n'hésitez pas à faire des recherches sur les éléments que j'ai donnés et à vous renseigner, messieurs, dames. Ouais, et puis... La matinale de 18h, l'émission qui est... Bujan. Dites-le sur Spotify. Oui. Tiens, invité showbiz de 18h sur Fadjet. Et comme c'est une émission culturelle, je vais aller sur du vocabulaire français. Oh oui. Pour le plus grand plaisir de Jocelyn, on va commencer avec, donc pour ceux qui ne connaissent pas cette chronique, toujours pareil, c'est une page qui est sur... ceux qui ne connaissent pas, bah c'est toujours pareil en fait, écoutez les heures précédentes. Non, toujours pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur TikTok, qui est une page qui s'appelle « Parle avec éloquence ». Voilà, cette page-là, et c'est plein de mots de la langue française qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Eh oui. Mais qui existent avec une définition. Alors, on va commencer gentil, avec lancinant. Qu'est-ce que veut en dire lancinant? Quelqu'un de lancinant, c'est quelqu'un de... Comment tu pourrais le décrire, quelqu'un? Quelqu'un de lancinant, c'est quelqu'un qui est lancinant. C'est rarement quelqu'un qui est lancinant, c'est plus une douleur qui est lancinante. Ah ouais? Ouais. Bah après, il y a... C'est quand une douleur qui se propage progressivement, qui lance, en fait. Qui cause une douleur vive et persistante. Voilà, c'est quelqu'un, quoi. Ouais. C'est... Non, mais moi, je l'aurais pas remis là. Je sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est... Ouais. Donc, l'exemple, hein, parce qu'il y a toujours un exemple, une douleur lancinante s'est fait sentir. Ah oui. Ouais. Il est très fort, hein, ce petit James. Ah ouais. Alors là, si vous l'avez, franchement... Bah, fait, je ne sais même pas comment on le prononce, mais bon, je vais le prononcer... main divague. Je dis main divague parce que c'est M-U-N. Est-ce que c'est... Main divague. Quoi? Main divague. Ah, oui. Main divague. Alors, un mot? Bah, je pense qu'on ne l'a pas autour de cette moi, table. Moi, je ne l'ai pas. Main divague. Tu verrais quoi comme définition pour main divague? Je dirais qu'il y a un truc, un caractère universel dedans. Main divague, c'est-à-dire que... il y a le mot mundi, ça fait un peu monde. Donc c'est plus dans le vague qu'il faut aller chercher. Vague, il y a le mot vague, c'est peut-être plus dans la mer. Dans la... Ouais, man. Ouais, je sais pas, man. Mundi vague. C'est qu'il y a souvent l'esprit vagabond. Oh, quelqu'un de mundi vague, c'est beau. Il est connu pour son esprit mundi vague. Oh, il est vraiment mundi vague. Prandial. Ah, prandial, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le repas. Waouh, putain, mais t'es fort. En fait, on va dire un truc post-prandial, ça veut dire un truc qu'on fait après le repas. Et oui, prandial, c'est vrai qu'on dit ça. Hein. Ouais, le dîner prandial a été très agréable. C'est relatif à un repas. Voilà. Mmh. Mais d'où tu sais ça, là? Des fois, je vois des mots et je m'efforce de les utiliser parce que ça m'amuse. Moi, les mots m'amusent en général. Où est-ce que tu... Je rigole des mots. Où est-ce que tu as vu un mot comme ça? Tu sous-estimes à quel point on est en contact avec des mots dans notre vie. Sûrement. On est entouré. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie... Non. On est entouré de mots, Tristan. Je me suis remarqué. Non, mais prandial, franchement, je m'étais dit... Prandial, c'est cool. Ah, je l'ai scotché. Voilà. Prandial, ça va faire mouche. Un truc... Allez. Etc. Alors, tout le monde connaît, ça vient du latin. Mais tu mettrais quoi dans la définition, etc. Et ceterum, etc. Ouais, pourquoi tu dis etc. C'est pour définir quoi? C'est-à-dire, ce qui suit ne sera point dit. Et tout le reste. Et tout le reste, voilà, effectivement. Bon, c'était gentil, celui-là. Hein. Bah, c'est celui que j'ai trouvé, donc bon, oui. Ouais, ouais. Et encore, pas vraiment. Calambreden. Ah bah, alors ça, c'est facile. Calambreden, ouais. C'est hyper facile. C'est, alors, tu es en voiture, bon. Ça t'arrive de faire des accidents. Oh, j'ai cassé ma calandre. Ah oui, la calandre. Mais oui. Bien sûr. Pour, moi, j'aurais dit calandreden, c'est des bêtises. Calembour, calandreden. Ouais, des... Ah, c'est des calandreden, ça. Et c'est une anecdote débridée. Trêve de calandreden. Donc, une anecdote débridée, ça peut être un truc un peu bêtise, effectivement. Il a raconté une calandreden. Une anecdote débridée. Ouais. Pour moi, c'est une anecdote de cul, quoi. Compersion. Compersion. C'est la compassion, mais pour les cons. Compersion. Non, c'est la compassion pour les gens de ton... Enfin, pour tes compères. Pour tes compères. Ah. Ah bah alors, il y a compère dedans, effectivement. Enfin, il y a... Compersion. Mais compère, t'es sur une bonne trame, ouais. Vas-y, lance-toi, vas-y. Ouais, vas-y. C'est le fait... C'est l'ensemble de tous tes compères. C'est une usine à compères. C'est là où les compères sont créés. C'est la compersion. C'est un joyeux partage des sentiments de l'autre. Oh. Ils éprouvaient... De la compersion. C'est la même définition que compassion, c'est bizarre. Un peu, ouais. Ben... Oui, mais la compassion, c'est avec les autres. Alors que la compersion, c'est avec ton compère. Ah oui, ah oui, t'as raison. Autant pour l'autre. Il a dit joyeux partage. Compassion, c'est pas forcément joyeux, tu vois. C'est vrai, exactement. Alors mais celui-là, je pense... Vous savez de me... Hein, tu vois bon. Ah ouais. Je sais pas pourquoi on entend pas la musique. Ah, voilà. Ça, je pense que là, James, tu dois l'avoir halluné. Avec un nez. Enfin, un N. Attends, je connais allunir, qui veut dire atterrir sur la lune. Ouais. Il y a mal luné, ouais, qui veut dire alluné. Pas bien réveillé. J'ai donné l'exemple. Je vais vous donner l'exemple. Ouais. Hein, comme il ça. Est mal luné. En mathématiques, il allunit souvent. Ah, il sait qu'il plus, fabule. En plus, ils ont mis du participe passé. Hein, il fabule. Il déconne, le gars. Alors, c'est ta version à toi. C'est toi. C'est quoi en mathématiques? J'aurais dit pareil. Il allunit. J'aurais dit pareil. Non, il est distrait, il est rêveur. Ok. Il est ailleurs, quoi, en fait, tu vois. Voilà. Attends, je comprends pas. T'es sûr que c'est alluné ? Alluné, ouais. Mais pourquoi il allunit souvent ? Parce que c'est du participe passé. Et alors, ça devrait être allunir à ce moment-là. Ouais. Il faudrait un papier, un stylo que j'ai pu t'écrire. Le participe passé d'un verbe au premier groupe. Bah, c'est à A. Entrer, il alluna. Il entra. Il mangea. Il alluna. Bah oui, je sais pas. Donc, ouais. Bien joué. Petit bien problème joué. De conjugaison, monsieur ouais, dame. On est d'accord. Vos classiques là, tu. Alors, un épigraphe. Ah, ça c'est facile. Ou une épigraphe. C'est une épigraphe, mais on veut pas là-dessus. une épigraphe, mais il y a une c'est une sorte de, c'est un autographe, mais En forme d'épi. En forme d'épi de blé, majoritairement. Non, c'est en haut d'un texte, tu vois, je fais une épigraphe, quoi. C'est la phrase en tête d'un texte. Voilà. Effectivement. Allez, un petit dernier pour la route. Oh, alors, attends. Antédiluvien. Ah, ça, par contre, je sais ce que c'est. Oh. Quelque chose en fait, on dit antédiluvien, ou alors quelque chose d'antédiluvienne. On peut dire les deux. Merci, c'est ça ta définition. Toi, tu devrais faire de la politique. Hein. J'y t'as un avenir hein, en politique. Quand même assez vite sec. Hein, non, quelque chose dans tes diluves. Bon, on peut dire également ça. C'est un rapport avec le pédiluve, c'est ça. J'allais dire plus avec le froid. Pour moi, il y a quelque chose de diluvien, une tempête. James. Très ancien, antédiluvien. C'est genre avant la dernière pluie, quoi. Alors, ouais, mais plus précisément, c'est avant, antérieur, anté. Antérieure au déluge, très ancien. Voilà, c'est vraiment très une très, pluie très, diluvienne. Très très ça très se dit. Ancien. Alors, diluvien en fait c'est l'adjectif de déluge. Allez, prochain mot. Alors un dernier. Obombré. Obombré. Obombré. Ça n'a rien à voir quand avec la campagne. Hein. Ouais. O B O M B R E R. Obombré. Ok. Est-ce que ça veut dire être d'accord d'une certaine manière? Pas du tout. Il a obombré de la tête. C'est relatif à un nom commun qu'on trouve, mais qui est pas loin de obombré. Au bon vivant. Il y a le mot qui nous intéresse est dans obombré. Bombe, la bombe. Alors, c'est pas bombe, parce que c'est bombre, Là, non, mais il est vraiment en entier dedans. Ombre, c'est ombre. Oui, il... c'est ombre, effectivement. Ombre, obombre, obombre. Ah, d'accord, obombrer, c'est faire de l'ombre à quelque chose. C'est ça, c'est couvrir d'ombre, assombrir. C'est... un large nuage obombra soudain le paysage. Ça, c'est la, l'exemple, ça. C'est l'exemple. Il est top, hein. Ouais, il est pas mal, fois, il est pas mal. Large nuage obombra le paysage. Excuse-moi, mais oui, c'est excellent. Ouais. Est-ce que t'aurais pas envie de mettre ça en épigraphe de en ton épitaphe, moi, je pensais. mais pourquoi pas? Ah, un petit dernier, parce que celui-là... C'est qu'un épigraphe, pas mal. Alors, je vais prononcer le H. Have. H-A-V-E. Avec un accent circonflexe sur le C'est un accent... A. Un verbe anglais, je crois. Attends, répète. Have. Have. H-A-V-E. Est-ce que c'est le, la même chose que... C'est genre... un adjectif. Ah, d'accord, ok. Quelqu'un de have. Quelqu'un, quelque chose de calme. Son visage have. Il est pâle. L'exemple, c'est ça. C'est ça, amaigri. Pâle, voilà, son visage rachitique. Ave trahissait sa fatigue. On en apprend des choses sur la matinale de 18h. Dingue. Entre les réalités, c'est vrai, entre il y a beaucoup d'infos. Et on va commencer à conseiller à nos auditeurs de prendre un papier, un de stylo réviser. Quand ils nous écoutent, hein, parce mais qu'il faut prendre des notes, hein, je pense. Hein, mais c'est un conseil, c'est... C'est mieux que l'IA pour réviser le bac. Est-ce qu'on ferait pas une petite interro en fin d'émission? Bam, on arrive. Urbain 2, année de première croisade d'Urbain 2. Ah ouais, grave. Eh ben, rien de tel que pour lancer mon quiz. Ah bah voilà. Mais voilà. Tu vas pas me dire que t'as un quiz. L'émission en retard sur son temps. Alors, il est où le bed? Ah, il est là. Ah, oh, on est bien là, hein. Oh, bah il baille l'autre là, Lior, là-bas. Bah il est ave. On apprend. Il est ave, ouais, ouais, c'est ça. Il est ave de fou, là. Ouais, ouais. Allez, donc on va finir cette émission avec un petit quiz sur l'actualité de ce moment, que ce soit en France ou partout dans le monde. Là, je suis tombé sur un article de RTL. Oh. Ouais. Radio, et... télé, langue. Luxembourg. Il se passe... Ouais, il se passe un... Alors pourquoi? Parce qu'on n'était pas loin du jardin Luxembourg, je crois que c'est ça, mais rien à voir avec... Qu'est-ce qui se passe avec la statue de Dalida à Paris? Oh, les... ça parle de nichon, ça. Je sais plus c'est quoi, mais j'ai vu le titre. Ah bah, voilà, à partir du moment où ça parle de nichon. Non, j'ai vu le titre. J'ai vu les seins de Dalida. Sont, parle je sais de pas nichon. Quoi. Voilà. Bah, je me suis dit, bon, les seins de Dalida, ouais, j'ai pas lire l'article. J'ai pas lu plus. Ah, t'as pas lu plus. Mais effectivement, ça parle des seins, de la poitrine. Hein. J'utilise. Oui, un, je me suis dit, un, je me suis dit dire nichon est drôle, donc j'ai dit nichon. Mais sinon, j'aurais dit autre chose. Voilà, bien sûr. Ouais. Effectivement, c'est des putains. Ou des élus, je ne sais plus de quel bord. Des députés, crois, allez. Qui aimeraient faire quelque chose parce que la statue en bronze de Dalida a la poitrine lustrée. Bah, vous savez, hein, comme dans n'importe quelle statue, il y a toujours un endroit de la statue qui est lustré parce que ça porte bonheur ou parce que oui, ça porte chance. Oui, j'ai souvent les parties intimes. On se marie, on a un enfant, on devient riche. Bah, oui. Lustré par qui? Bah, tous les touristes, attends, ils... genre arrivent et lustrent. Ouais, ouais, ils lustrent. Non, mais ils mettent les mains. Mais ils touchent, pourquoi ils touchent? Ils touchent la poitrine. Alors, bah, l'article ne dit pas, mais si ça porte de l'amour ou quoi que ce soit. Ils pincent. Orlando, le frère de Dalida, ouais. Trouve rien à redire là-dessus. Bah, là, ils sont comme ça. Je veux dire, c'est une icône. Ouais. Maintenant, c'est devenu une icône. Mm-hmm. Mais voilà, ça pose problème pour certaines personnes. Alors, débat. Alors, ouais. Débat. Alors, bah, tu sais, t'as le chien au Japon qui est près de la gare à Tokyo. Le fameux chien qui pleurait sur la tombe de son maître. Qui n'est jamais revenu. Enfin, un truc horrible, mais il a une. Il est pète, quoi. Il est lustré au niveau du front, quoi. L'occiput. C'est ça. Et ouais, j'ai essayé. Et non, mais en fait, les statues, c'est. Hyper courant que oui. C'est souvent bah, là, le sexe, les seins, la tête. Enfin, genre, j'ai l'impression que c'est. Je n'ai jamais touché une statue, moi. Pour moi, une statue, on touche pas, quoi. Bah, ça touche pas, mais tu vois que c'est lustré, quoi. Ah, je crois que c'est pas une chouette qui est à Dijon. Ah, d'accord. La chouette dijonnaise. Oui, ça, c'est. Oui, ça j'ai déjà fait. Bah, ici du Mannequin Piece. Aussi le Mannequin Piece, oui, ok. Le truc que non, Mannequin Piece, on peut pas y toucher parce qu'il y a une barrière devant. Ah bon, donc, on peut pas. Il y a la Joconde, c'est pareil. Tu peux pas on toucher peut pas non plus. Non. Mais on peut rien toucher en fait. Il y a rien. Que les cernes d'Elida. C'est voilà, folie. C'est ça. Donc voilà, il y a débat. Mais est-ce qu'il pourrait pas juste l'obombrer? L'eau bombrée, wow. Bien sûr. J'essaie de réutiliser, tu mais sais. T'as raison. Ouais. J'espère que les auditeurs qui sont là tout de suite ont écouté l'émission il y a 5 minutes, sinon. Sinon, ils vont se dire, mais ils sont vraiment littéraires, ils sont forts. Et... C'est la magie de 18 heures de France Culture, chérie, mais je t'ai demandé Fadjet. Une autre actualité, toujours en France. Apple TV Plus reporte la sortie de la série française Traqué. Non. Avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Est-ce que vous savez pourquoi ? On ne sait pas si elle va sortir d'ailleurs. Ah ouais ? Il pourrait annuler qu'il y a eu lieu récemment ? Stop, stop ! Comment ? À cause d'un fait divers qui a eu lieu récemment ? Pas un fait divers. Et qui obombre la sortie ? Pas un fait divers, mais sur un truc, oui, sur un truc qu'ils auraient pu quand même définir avant quand même. Ça m'a surpris, quoi, tu vois. C'est un article de 20 minutes. La non, série de Huffington Post, française qui devait sortir sur Apple TV va être soit repoussée, soit annulée. C'est ça, pour quelque chose qu'ils auraient pu prévoir. Pour l'instant, elle est bloquée. Parce que voilà, le Gaumont mène son enquête, puisque Gaumont, ça doit être le producteur. L'investisseur libyen, un truc comme ça, non ? Comment ? Des investisseurs libyens, des choses... Ah non, c'est pas sur le financement. C'est sur le fond, c'est sur le fond, en fait. L'histoire, il y a un problème dans l'histoire, quoi. C'est sur l'histoire, effectivement. C'est qu'en fait, ça met en valeur quelqu'un qu'on n'a pas envie de mettre en valeur. C'est sur Xavier Dupont de Ligonnès ? Alors... C'est Traqué ? Non, bah, alors là, ça aurait été vraiment très grave, parce que les producteurs, les distributeurs ont le scénar avant, okay, quand même. Hein. Ils se seraient rendu compte, quand même, que c'est un peu craignos. Oui, bah voilà, ouais. Non, c'est plus... c'est une question d'argent, hein, quelque part, hein, derrière tout ça. Ah oui. Mmh. Ouais. Ah. Il y a un lien avec les États-Unis d'ailleurs là-dessus. Mmh. Puisque je sais pas qui a vu que. Ah, mais tiens. Ah, d'accord. En fait, c'est parce que c'est une reprise. C'est une reprise et ils n'ont pas les droits. Eh ben, c'est ça. C'est qu'il y a des accusations de plagiat. Ah, voilà. Enfin, c'est plus précis que ça. C'est qu'il y a une accusation de plagiat. Donc, ils ont tout stoppé en disant. Est-ce que vraiment ça ressemble au roman Shoot de Douglas Fairbairn des années 70, je très ne sais bon, plus. Très bon roman d'ailleurs. Qui est sorti et il y a avec beaucoup de similitudes et ça pose souci. Et là tu te dis, mais alors le scénariste, s'il a vraiment repompé, enfin. Bah, il a juste fait ça avec l'IA, finito le gamin. Bah oui, non mais tu te rends compte des enjeux. Enfin je veux dire, ils ont dépensé des millions, parce que c'est tourné hein, le bazar. Hein. Mmh. Donc sans, ils ont dépensé des millions d'euros et. Tu t'en fous. Ok. Non, non, non, non, non, non, mais. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est-à-dire que l'enjeu, bah oui, mais ils avaient qu'à le scénariste et lui, il a pompé et puis voilà. Oui. On va en Italie maintenant. Allez, go. En Italie. Je vais vous mettre dans une situation. Voilà, il y a un monsieur de 57 ans et, qui vit avec sa maman et sa maman est morte. Ah, je l'ai vu. Et comment il a fait pour continuer à toucher la pension de sa maman. T'as le montant de la pension là ou pas ? J'ai pas le montant, ils en parlent c'est, pas. C'est dans beaucoup, l'article. C'est beaucoup. Ils parlent de milliers d'euros, mais c'est très vague. Dans mes souvenirs, je crois que c'est 3000. J'ai vu ça hier. 3000 euros ? Ouais. C'est pas énorme. Non, mais c'est plus. Ah, par mois ? Par mois, ouais, ah, ouais. D'accord, en pension. Ok. C'est 3000 euros. Alors, bah vas-y, raconte l'histoire alors. Bah, moi, j'ai vu les images, j'ai pas. C'est après que j'ai vu, que j'ai compris. Sa maman est morte, on sait pas encore de quoi et comment. Mort naturelle. Ok, mort donc c'est bon, ça a été délié. Ouais. Mort naturelle, il la momifie dans un drap et il touchait les 3K par mois, tu vois, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on s'en rende voilà. compte. Sauf que. Ah oui, merci. Sauf que la carte d'identité de sa maman arrive à expiration et donc s'il n'y a pas de carte d'identité à jour, il n'y a pas de pension. D'accord. Et là, il se dit bon, bah c'est chiant parce que soit faut que je bosse, soit faut que je trouve une solution. Mmh. Et donc il dit je vais pas bosser, j'ai trouvé une solution. Il se déguise en sa maman. Mais il se déguise de manière... en vrai, moi, sur les images, c'est pas mal. Hein. Il a une canne, il mal. A une petite robe. C'est pas mal. On voit les photos, d'ailleurs. Okay. C'est un article de Libération, si ouais. je me permets de te couper, où on voit la photo de la maman et la photo de lui grimé. Et sauf que le gars de la mairie se dit... Bah, c'est une dame de la mairie. La dame de la mairie, pardon, se dit, bah, elle est quand même très maquillée, cette dame, un peu bizarre et tout. Et la dame commence à lui poser des questions... l'homme déguisé fin un malaise et montre son torse poilu. Je crois que c'est ça. Hein. C'est vrai. Alors j'ai pas ça moi dans le montre son l'article. Torse poilu, et là c'est la police. Peut-être un autre article. Alors moi dans l'article de Libération, elle s'est fait trahir par des petits traits de sa voix qui étaient quand même assez masculins. Voilà. Ah ouais, ok, c'est marrant qu'on n'ait pas la même version. Et du coup, l'employé de la mairie a été plus loin, a mené l'enquête, a été avertir la mairie, etc. Et bah, ils sont tombés sur le poteau rose de ce monsieur qui, effectivement, se faisait passer pour sa maman pour garder Et donc, vas-y. Je pense qu'il a fait une erreur quand même, si je peux me permettre de critiquer son plan. Il aurait mieux fait de rémunérer une personne femme déjà un peu proche, tu vois, faire un espèce de casting pour trouver une actrice et y aller en tant que son accompagnant, parce que ça aurait fait plus crédible. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a voulu la jouer solo. Et je suis pas sûr. Mais quand tu mets quelqu'un dedans, ça va te demander de l'argent. Et ah, bien sûr. L'autre personne demande de l'argent, mais bon, je pense que tu minimises. Là, il doit être en prison, ce garçon. Ah, bah, il est accusé de fraude aux prestations sociales et dissimulation de cadavres. Ouais, donc, ce qui est pas top. J'imagine que. Ah, c'est une fraude dissimulée des cadavres? Bah, en Italie, en tout cas. Un petit peu, oui, quand même. En France aussi? Non, bah, c'est un cadavre qui n'a pas été signalé déjà. Ah, je vous laisse. Double appel. Voilà. Et ah oui, alors c'est ça qui est étonnant, c'est que le mec, il n'avait pas de problème financier. En plus, parce qu'il avait... je savais pas non plus. Alors, il avait. Il y a très peu de gens qui n'ont pas de problème financier, qui cracheraient sur 3000 euros par mois. Il a trois propriétés, le bonhomme, hein, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui, ok. Mais en même temps, il touche 3K par mois, hein, le gars. Hein. Mais pourquoi, quoi? Enfin, donc, effectivement, ils étaient coupés du monde, ce monsieur et sa maman. Et donc, ils ont perquisitionné et ils sont retombés sur le corps de la maman momifiée dans l'appartement, qui a été autopsiée et elle est morte de manière naturelle. J'ai une autre question. Le mot momifié est lancé comme ça. C'est quoi? C'est une méthode connue Méthode de conservation des corps. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Aucune idée. Ok, d'accord. En fait, ils ont emprunté ça aux Égyptiens. Oui, d'accord, mais enfin, chacun peut. Il y a des tutos momification de. Doit pouvoir momifier. Si tu demandes à notre ami Google, tu dois pouvoir. Comment momifier sa femme? Allez, on part aux États-Unis pour une petite dernière. Vous avez peut-être vu cette vidéo où il y a une grue qui passe au-dessus d'un pont avec quelque chose qui est en surplomb. Ça passe au-dessus d'un pont autoroutier et cette chose-là tombe sur la route. Non, est-ce que pas vous vu. Savez ça c'est quoi peur. Cette chose qui est tombée? C'est la grue? Sur la route. Non, c'est pas la grue. Ah, la grue porte le la truc. La grue portait un truc. Un éléphant? Non, non, pas un animal. Non, ouais, c'était pas un animal. C'était pas vivant. Horrible, quoi. Mais c'est. Alors, il n'y a pas une mort. Il y a pas une mort en dessous, fort heureusement. Mais. Mais c'est pas passé loin, quand même, parce que c'est filmé depuis une dashcam, comme on appelle ça, hein, dans les voitures. Et on voit le truc qui est porté et qui lâche à un moment donné. Et c'est marrant parce qu'on voit l'explosion du truc quand on sait ce qu'il y a dedans. On imagine. Est-ce que c'est un Mentos géant? Ce n'est pas un Mentos géant. C'est ce que c'est de l'eau, une genre de jerrycan géant? Non plus. C'est des choses qu'on retrouve sur les chantiers, d'ailleurs. Du béton? Est-ce que c'est une grue? C'est-à-dire non, que c'est la pas grue... une grue portée par une grue. Ouais, non. Ouais, okay. Ouais, je le vois. Mais non, non, non. Okay. Un conteneur. On trouve sur tous les chantiers parce qu'il faut bien que. Des toilettes, c'est des toilettes. Oui, tout à fait. Oh. Effectivement. Attends, mais pour risquer la vie de quelqu'un, il faut que ce soit des toilettes. Ouais, non, mais si ça tombe de haut sur une voiture, je pense que c'est chaud quand même. Et alors? On la voit, on voit l'impact est explosé, donc on imagine cette tonne de d'excréments qui va un petit peu partout. Mais alors, fort heureusement, il y a personne qui est décédé, mais ouais, c'est beaucoup de gens à l'heure que de mal, comme nous disons traditionnellement dans ces cas-là. Il y en a qui ont dû faire dans leur benne. Allez hop. Ah, j'adore. Les teints ont dû être haves à la suite de cette incident. C'est fou comme t'arrives à les garder, toi, les mots qu'on a découverts. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, les mots me marquent. En fait. T'es capable de garder les mots là qu'on a découverts? Ils ont une durée de vie très faible, mais ça n'empêche que si je les réutilise fréquemment, je peux en faire mon affaire. Quoi, annuler. Tu peux en faire des blagues sur le lendemain. Quoi. Je peux les intégrer à mon vocabulaire passif en tout cas. Annuler, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Annuler, ça veut dire. Non, alluner. Non, c'était. Alluner, tu l'avais dit alluner, mais moi je suppose que c'est alunir, mais après je ne sais pas. Ça veut dire être dans la lune en gros. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ok, bon, t'es trop fort. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. Attends, mais déjà 19h là? Il est déjà presque 19h, ouais. Est-ce que je peux revenir sur un débat de début d'émission? Bien sûr, tu as une minute. Ok, c'est pour dire que l'émeu est australien et l'Autriche est africaine. L'Autriche est africaine. Ok, l'Autriche est africaine, big news. Donc ce sont des autruches que j'ai vues au Kenya. Oui. Voilà. Et en fait, la différence, c'est est-ce qu'il y a des poils sur le cou ou non? S'il y a des poils. Bah oui, bah voilà. L'émeu, tu... il a la tête en, et le cou en poil. Elle est meu, elle est truche, elle est nue. Ouais, donc c'est pas évident, évident de faire la différence quand tu les as pas les uns à côté des autres. Ouais, quoi. J'ai vrai. L'impression que l'émeu est plus gris, mais. Bip Bip est un émeu. Bip Bip est un émeu. Ouais. Bleu. Un émeu bleu. Un émeu bleu. Mais pourtant, le coyote est aux États-Unis. Non, c'est en Australie, je pense, tout ça. Le coyote. C'est un coyote. Ah oui, t'as raison. Bon, ouais, je sais pas, j'ai peut-être dit une bêtise alors. Franchement, Tex Avery, c'est plus ce que c'était. C'est vrai que ça a changé. Ouais, voilà. À 19h, tout de suite, au Cristal. Allez, s'il vous plaît, il y a du parti. Jazz, on kiffe. Ah, il y a du jazz ce mais soir. Mais oui, il y a du bon, jazz alors, ce soir, allez hop. C'est formidable. Et puis, demain soir, à Vonémont. Oh. Presque tout de suite, demain soir à Vonémont, puisque je fais un spectacle d'impro qui s'appelle Impro Duo avec mon amie Barbara. On est deux sur scène et c'est Vonémont, c'est juste à côté de Saint-Tré quand on prend la direction d'Épinal. Voilà, on vous fait des bisous. Ciao, ciao. Et puis on se retrouve début décembre. Oh, ça passe vite. Déjà. Allez, des bisous. Allez, ciao. Salut.